Bonsoir, Lost in Space, comme tous les dimanches 21h, après deux émissions spécialement consacrées à la musique industrielle, nous allons changer légèrement de style avec une approche plus avant-gardiste des choses, c'est-à-dire moins strictement centrée sur l'industriel et son bruit. Forcément mécanique, hein, c'est le principe de cette musique, c'est-à-dire aller reproduire le bruit de la rue, des usines faites par des machines et par des instruments en métal, pour nous concentrer vers quelque chose de beaucoup plus avant-gardiste, c'est-à-dire que vous allez passer aussi bien des bruitistes italiens du début du XXe siècle qu'à des expérimentations qui peuvent se rapprocher de la musique concrète. Donc, un beau voyage, je pense. On en a pour 2 heures ensemble, donc enjoy. Thank you. On a commencé avec Black Dice, groupe américain formé à Brooklyn, qui est toujours en activité, formé en 1997. Et on va continuer avec les Half Japanese. Alors peut-être que vous connaissez plus le chanteur des Half Japanese qui s'appelle Jad Fair, qui a fait pas mal d'albums avec Red Tango en question, et là qui a formé donc les Half Japanese avec son frangin en 1975. Vous allez voir, c'était de l'expérimental, un peu en même temps d'ailleurs que toutes les choses comme Perubu et Divo. It's the little things you say do make me want to be with you. Raymond, it's a crazy feeling. I know that's got me reeling when you say I love you, oh Raymond. The way you kiss when we say goodnight, the way you hold me when we dance all night. Raymond, it's a crazy feeling. I know it's got me reeling when you say I love you, oh Raven. Raven, Raven, tell me not to be lonely. You tell me that you love me only, Raven, to me. Raven, Raven, tell me not to be lonely. You tell me that you love me only, Raven, to me. It's the little things you say and do make me want to be with you. Raven, it's a crazy feeling, and I know that it's got me reeling when you say I love you, oh Raven. Raven to me. Raven to me. Raven to me. Raven to me. Tout à fait légalement. Ne vous croyez pas que j'exagère. C'est la logique même de la loi de l'euthanasie. Regardez ce qui se passe en Hollande. Les Legendary Pink Dots qu'on a écouté à l'instant, donc groupe anglais formé au début des années 80, parti en Hollande en 1984, et donc qui ont fait pas mal de musique expérimentale aux confins de la cold wave d'ailleurs et du post-punk. Et on va enchaîner avec John Cage, un des principaux compositeurs de musique contemporaine et du XXe siècle. Number one, get in. Samedi soir, l'épouse du policier a été mise en examen pour recel de corruption, recel de trafic d'influence et association de malfaiteurs, avant d'être placée sous contrôle judiciaire. Un des pères de la musique contemporaine, un des plus connus d'ailleurs. La première fois que j'ai entendu parler, c'était dans les bouquins de Gottlieb quand j'étais gamin. Et voilà, donc on a Stockhausen, donc un compositeur allemand mort en 2007 qui vient de passer ce morceau Intensity. Et tant qu'on en est dans les monstres en fait de la musique avant-gardiste, on va continuer avec Luigi Russolo, un compositeur italien du tout début du siècle. C'est un des pères en fait de la musique bruitiste. Vous allez voir, c'est extrêmement novateur pour l'époque, sachant que ça a été fait en 1900 et quelques avant 1910. Arrêtez de tirer, les gars! Pour l'amour de Dieu, arrêtez! Il y a tous les gros durs en France que je connais, bah franchement, j'ai hâte qu'ils voient ça parce que là, c'est pas la même catégorie, hein, franchement. Thank you. Thank you. Thank you. Six Limmy Whisper en concert, suivi de Luigi Grandi, d'une compilation sur laquelle on peut aussi retrouver Luigi Russolo qu'on a écouté tout à l'heure. Compilation sur le dadaïsme et le futurisme, et on en réécoutera un autre exemplaire après. Sera le dernier numéro. Hiver sur les continents cernés en 1979, où Pellieu Rodansky, W.L.U.S. Burroughs, nous convie au temps des assassins. En 80, le groupe MKB Fraction Provisoire ouvre le feu. Quelques livres sortent encore. Claude Pellieu, Dalgange, Haussan, Robert Cordier. Les disques de MKB épongent partiellement la faillite. Et puis on ferme. Fier d'avoir produit une banqueroute à 23 ans. Le monde de l'édition ne voulant forcément pas de nous, on résolut de passer à la course aux armements, étendre le champ vertical par les pilonnements Noise and Roll de MKB Fraction Provisoire, puis inonder l'horizon du celluloïde. Kino Combat, Kinomatographe, Poésie Bruit d'Atome, Génération de Néant, Davai, Davai. Sintesi musicali futuriste di Aldo Giuntini. Gli eroi Borsini e Ciaravolo affondano col cacciatorpediniere nullo nel Mar Rosso. Allontanatevi! Forza sui remi! Che il mio gorgo vi mangia! Comandante! Sono Ciaravolo! L'attendente! Vengo pure io! mare. Dei motori di guerra. Cerchiati vincemmo a passo arieu. Telegrafate al comando generale. Non voglio rinforzi, domando soltanto acqua e munizioni. Radio telegrafate. Battaglia simultanea di terra, mare, cielo. Comme promis, un autre extrait de cette compilation sur musique dada et futurisme avec Filippo Tommaso Marinetti, un morceau enregistré en 1931. Et on va finir cette émission avec un long morceau d'un autre compositeur majeur de musique concrète du XXe siècle, qui s'appelle Robert Ashley, américain. Et on se retrouve pour se dire au revoir. Quel est le prochain? non plus. C'est ça que ça veut. Chouette. Oui.

Je devrais dédier cette chanson à ma grand-mère qui m'a sans doute appris tout ce que je sais. J'ai toujours pensé qu'il y avait plus. Je parie. Sur mon propre esprit. Je que... Voilà, Lost in Space, c'est fini pour ce dimanche. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, passez une bonne semaine. Amusez-vous, prenez pas froid. À bientôt, ciao.